salam. Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir et bienvenue dans ce 8e épisode de Memento. Alors, puisqu'on parle beaucoup de la mort en ce moment, on a décidé de se concentrer plutôt sur la vie et surtout sur la naissance. Cette émission sera donc consacrée à la musique qui est sortie lors de nos années de naissance. Je dis no parce que je suis accompagné, comme la semaine dernière, par Nicolas Demoulin. Ah que coucou! Qui s'occupe aussi de la technique. Et par Kevin Adam. Salut. Qui devient tout doucement un nouveau paniquien. Alors ça va les gars? Tout doucement. Écoute, ça va super, journée de merde, donc très content d'être là ce soir pour se décompresser un petit peu. Eh bien c'est parfait. Alors on vous prévient tout de suite, nos naissances sont réparties sur 3 années consécutives, tout au début des années 90. Alors puisque Kevin en fait est né le... 20 juillet 90. Nico t'es né le... Le 27 décembre, et... 1991. Voilà, et moi le 27 février 1992, ce sera donc une émission résolument 90s, le but étant au final de savoir entre 90, 91 et 92 quelle était la meilleure année en termes de musique. Alors avant de se lancer dans notre sélection musicale, on va faire un tour de ce qui était numéro 1 le jour de nos naissances. Est-ce que ce serait possible d'enlever ce putain de poulet de mon cul, s'il vous plaît? Après Memento. Donc, je vous ai préparé quelques petits extraits. Alors, pour 1990, l'année donc de Kevin, c'était ça. Nettoyer, balayer, astiquer, casin toujours bêtement, par manger, par l'amour. C'est donc Zouk Machine, la vie dans la peau. Pas mal, hein. Donc voilà, on commence. Je suis fier. Hein, je suis vraiment fier. Il y a de quoi. On commence bien, on commence fort, on commence. On donne la couleur, quoi. Voilà. sans faire de blagues racistes. Merci beaucoup. Alors en 1991, c'est donc l'année de Nicolas ici à ma droite, même si vous ne pouvez pas le voir, qui est donc, je vous rappelle, à la technique. Donc il parle et il fait la technique en même temps. Ça c'est quand même. C'est quand même un bel exploit. Multifonction. Voilà. Alors numéro 1, le 27 décembre 1991. C'était... Ah mais je savais pas. C'est pas mal. Whitney Houston, I will always love you. Si c'est pas beau ça. Hein? Merci beaucoup. T'sais. Voilà. Il y a de quoi être fier. Ah oui, très. Alors on continue dans quelque chose assez fort. Mais je crois que, quelque part, je suis extrêmement fier de... du numéro 1, le 27 février 1992, puisque c'était ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a du favoritisme. Ouais, on écoute. Je pense aussi. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Voilà, c'était Right Said Fred. Too sexy for my shirt. Je pense que c'est ça le titre exact. J'en suis plus sûr. Enfin bon, c'est absolument magnifique. J'en suis extrêmement fier. Je propose qu'on écoute un petit peu de ça quand même parce que c'est assez génial. Too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I am too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. Toc toc toc. Qui est là? C'est Mémé. Mémé qui? Memento. C'était donc les trois chansons les plus pourries et surtout les plus aimées le jour de nos dates d'anniversaire. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Ça fait un petit peu peur, je vous rassure, ça ira mieux après. Mais j'espère. Alors, juste une petite précision, le jingle que vous venez d'entendre, et si vous ne l'avez pas encore remarqué, ce sont les voix des deux personnes qui m'accompagnent ici. Nicolas faisant la mémé, qui demande c'est qui, c'est mémé, c'est memento. Et celui qui demande c'est qui, c'est toc, donc toc, toc, Kevin. Qui est là? Voilà. Voilà, vous en savez plus sur les derrière, les coulisses de l'émission. Alors, je vous propose qu'on se lance enfin dans la playlist, dans les choses sérieuse. Dans le vif du sujet. Voilà. Et on va commencer donc par 1990. Kevin, quel est pour toi le premier album qui vaut le coup? Bah, le premier album qui vaut le coup, j'ai choisi du belge. Donc un groupe bruxellois, vous connaissez tous avec Mais qui êtes-vous? Et vous êtes fous, oh oui. Donc, Benny B. Ça me dit quelque chose, hein? C'est assez connu, donc là j'ai choisi une autre de l'album. Une autre de l'album? Une autre de l'album, donc, qui est aussi connue, mais qui est un peu plus marrante, je trouve, un peu plus funky. Donc je propose qu'on envoie Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On écoute ça? On écoute celle-là. C'est parti. Now it's New York City weather from Fox 5 meteorologist Nick Gregory. Clear and cool. We'll drool down to 35 tonight. Increasingly gray on tap for Friday with a high of 53. C'était qui? Benny B. Merci, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur Radio Panique dans le Memento 8e épisode. Vous êtes avec nous en 1990, année de naissance de Kevin. On reste dans le rap, mais oui, on passe à quelque chose de plus sérieux. On passe à la West Coast américaine, de Straight Outta Compton. Carrément. Carrément, donc de quartier de Los Angeles, d'où vient Ice Cube, un des, bah oui, on va le dire, un des fondateurs quand même du rap et du hip-hop, notamment avec N.W.A., donc Niggas with Attitude, groupe qu'il a monté avec Dr. Dre et qui a été un carton, qui a vraiment lancé le gangsta rap. Et là, c'est son premier album solo, juste après cette barrée de N.W.A., suite à des problèmes de contrat. Et on peut retrouver cette histoire dans le film sorti récemment par rapport à ce groupe-là. Donc, le film qui porte le nom du premier album, Straight Outta Compton. Et là, on va écouter America's Most Wanted. Don't try to apprehend him. A nigga that's living in the city of the criminal zone. One time can't keep the law in order, cause everybody's going crazy for a quarter. You're tuned in to the number one crew in the area. The way I'm talking, I'm scaring you, I'm daring you to raise hell and bell and brag and sag, but be down for your flag. Cause if you whiz or you ain't a gangbanger, keep one in the chamber, cause you'll get them things put on your son. Ice Cube has got the 411. All the old school house fellas are crooks, so I get jealous looks. They keep thinking to my head grow. Will the boys in the hood have to beat down Ice Cube? Hell no, I say the same to see it's okay. I keep a nine anyway. For the day, one of my homies wanna squab, I'm still rolling with the lynch mob. Them the motherfuckers who don't motherfuckers. Back in the day, I did my share of the dirt. Sometimes I got away clean, sometimes people got hurt. But if you know me, you know that I'm liable to bust a cap, cause it's all about survival or the fit. I'm a menace crook, I did so much dirt, I need to be in the Guinness book. From the shit I took from people, I reap on your veteran jet. Back to the criminal set, I leave clue after clue, but they can't catch me yet, cause I'm slick and slippery. They can't get with me, cops ain't shit to me. I can't dig a pig, so I drop the dog. And sweat them like sweat hogs. And get mad, cause I'm a nigga that's foreign. America's most wanted. What the fuck you sweat me for, Mr. Officer Man? You said a motherfucker hamburger stand got broken in. Do I look hungry, motherfucker? We got ladies making moves. Suckin'. Hey yo, here's what the poster read. Ice Cube is born and dead. That's all it said. I put head to bed to fed the scene with all the green hit shots and sirens. When I feed first, they yo rings, now they mob rings. So give it up, punk, then I just put another jack in progress. It's the American way, cause I'm the G-A-N-G-S-T-A. Ice Cube, a motherfucking klepto. They try to catch the early bird, but they slept. So who gets the one? And if I'm caught in a trap, you know I'ma beat the rap with a payoff. Cop got a layoff. FBI on my dick, stay up. I'm not a rebel or a renegade on a crest. I'm a nigga with an S on his chest, will get the grip tonight, cause I'ma rip tonight, cause I'm scaring y'all, one if I marry. Cause I would love to see you, nigga. See ya! Last Sunday, you watched the profile. Hey, yo, Q, man, they on your ass! Word, but who the fuck is Herb? It's time to take a trip to the suburbs. Let them see a nigga invasion. Point blank, on a Caucasian. Cock the hammer, then crack on smile. Take me to your house, pal. Got to the house, my pocket got fat, see? Cracked the safe, got the money and the jewelry. 3 weeks later, I'm at the PAD. Had a little fly-ass bitch with me. Sitting in the den, yo, it couldn't be. What up, G? Saw my face on TV, damn. I didn't know I lucked out, struck out. I gotta get the fuck out. Pack my bags and try to hit the dope when the old bitch down the street must have turned me in. Cause the feds was out there 10 deep. I got hassled and gambled in the backseat. I think back when I was robbing my own kind, the police didn't pay it no mind. But when I start robbing the white folks, now I'm in the pen with the soap and the rope. I said it before and I still taunt it. Every motherfucker with a curler is most wanted. America's Most Wanted reports that Ice Cube is the leader of the lynch mob. Also in the group, they have JD, T-Bone, Chill, Yo-Yo, Del, Katie. Sounds like a black thing. Et vous venez d'écouter Ice Cube avec America Most Wanted. Donc America Most Wanted, pour préciser, avec 3K pour grosse critique de la société blanche américaine de l'époque. Et c'était un des albums qui a un peu, pas déclenché, mais qui dénonçait tout ce qui se passait à l'époque et qui était... Il y a eu notamment les émeutes à Los Angeles qui ont fait un gros carnage en 91-92, je crois. Ouais. Et alors, on reste aux États-Unis et tu nous emmènes écouter... Donc là, je vous emmène à New York, écouter Sonic Youth avec Cool Thing. Et donc là, cet album, vous connaissez certainement la pochette. Le nom de l'album, c'est Goo. C'est cette pochette où on voit deux profils un peu juste noir et blanc, donc pas de gris. Pour la petite anecdote, c'est une photo d'un couple qui était témoin lors d'un procès célèbre aux États-Unis. Je sais plus c'était quoi exactement ce procès, mais enfin cette pochette on la retrouve partout, que ce soit sur les t-shirts des gamines de 15 ans qui connaissent rien, ou alors sur des et ça c'est véridique, sur des coussins qui crochetaient, qui sont vendus 60-70 balles dans les trucs de bobo à Lille. Ah oui, véridique. On l'écoute et on met la photo sur la page Facebook tout de suite. C'est parti. On était donc sur, dans les années 90 avec Sonic Youth et Cool Thing. On va donc maintenant passer en, en 1991 avec Nicolas. Je suppose que nous a préparé quelques extraits. Exactement. Étant né le 27 décembre 1991, je vous souhaite déjà la bienvenue en 1991, les merci, gars. Merci. C'est une super année, vous allez voir, il s'est passé plein de belles choses. Je vous ai d'ailleurs préparé pour bonne année. L'occasion. Merci. Je vous ai préparé une espèce de petit méga-mix condensé de ce qui s'est passé cette année-là. Bon, c'est un méga-mix ultra subjectif, je vous l'accorde. J'ai passé pas mal de trucs que j'aime bien et des trucs que j'aime moins bien, mais je vous propose de l'écouter, ce sera encore plus simple. Your heart, and I know that it is love. This place be much brighter than tomorrow. Alors là, je tiens à féliciter Nicolas. Je t'applaudis. On applaudit dès demain. Quand même, c'était donc un mash-up de la plus belle des factures. C'était un petit peu bourrin, avec, mais avec donc Metallica, Nirvana, tout ça, plein de belles choses. Nous sommes donc en 1991 dans le Memento avec Nico. Exactement. Et avant de continuer, je vais refaire un petit saut le jour de ma naissance pour voir exactement ce qui était au top du top, ce qui était représentatif de ce que les gens écoutaient. Et très honnêtement, Arthur m'a déjà passé donc du Whitney Houston tout à l'heure pour les États-Unis, et ça faisait déjà un peu peur, mais je crains que la suite fasse encore un petit peu plus tard. On se retrouve là en Australie. Ah, ça pique, hein. Je connais pas. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Ouais. C'est la première fois que j'entends. Bon, on peut arrêter là. Attends. Ouais, si, c'est pas grave. Oui, non, mais bon. Faut pas faire durer le plaisir non plus. Pour la suite, là, on se retrouve en France. Et là, je crois que ça fait vraiment encore plus peur. Je m'excuse pour tous les fans de l'artiste, mais voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Qui a le droit? Qui a le droit? Ça à un enfant. Ouais, bah qui a le droit de faire ça à un enfant, surtout que je venais à peine de naître, franchement, c'est dur comme accueil. Quoi. Je suis vraiment pauvre gamin. Désolé. Mais par contre, il y a quand même un petit pays sur cette planète qui a quand même réussi à rattraper un peu la donne. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous remarquerez que c'est pas du tout à cette époque-là que la chanson est sortie. Mais par contre, elle était dans la BO d'un film qui est sorti à ce moment-là, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée au top des charts en Angleterre. Et c'est cette chanson-là qu'on connaît tous, évidemment. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Eh oui. Queen avec Bohemian Rhapsody qu'on va regarder un petit peu en fond pour se faire plaisir. Ouais, enfin, on va pas le couper. tout de suite. Mais voilà, donc heureusement, je dis merci aux Anglais d'avoir quand même sauvé ce jour qui, par hasard, le jour de mon anniversaire aussi. Donc merci à eux. Question débile, c'était quel film? C'était Wayne's World. Oh, ah, quel beau film, le meilleur film. Oui. Et voilà, voilà. Donc comme ça, heureusement que j'ai vérifié parce que j'ai cru que t'allais me poser une colle. Oui. T'as essayé, hein? J'ai essayé, bien joué. Effectivement. Non. On continue avec le premier album que tu vas nous présenter. Bah oui, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier album, l'album, je crois que c'est un des albums les plus célèbres du monde, voire le plus célèbre du monde. Et c'est en 91 qu'il est sorti, c'est quand même Nevermind de Nirvana. C'est quand même, il y en a qui en écoutent, il y en a qui en écoutent plus parce que trop de gens l'écoutent, mais ça reste quand même un monument. Et j'ai choisi une musique qui, au final, on entend peut-être un petit peu moins souvent de l'album, Territorial Pissing, ouais, de Nirvana. C'est une chanson qu'ils avaient l'habitude de jouer pendant les talk shows, quand la télé ou la radio leur demandait de faire une petite chanson live, bah, ils leur demandaient des chansons un petit peu plus calmes ou un petit peu moins sauvages que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et pour se venger, ils terminaient souvent avec cette petite musique et claquaient leur guitare un peu partout dans les sens. Et alors, en fait, Territorial Pissing, c'est, en fait, c'est le, si je dis pas de bêtises, c'est le nom de l'infraction que l'on commet quand on pisse sur le bord de la route ou ce genre de choses. Ce qui est extrêmement mal vu aux États-Unis, pays de prudes et de clips de R&B. Spéciale dédicace à Charlie Abastien, d'ailleurs. Si voilà. Voilà. Bon, on envoie la chanson. C'est parti. C'est parti. C'était donc Territorial Pissing de Nirvana. Ça fout quand même bien la pêche. J'ai failli claquer le clavier et la souris en l'écoutant ici dans le studio. J'avoue. Pour la suite, un autre album très très important des années, enfin de l'année 91, pardon. C'est quand même Blood Sugar Sex Magic. Exactement. Merci Arthur. C'est quand même un album qui a au final balayé, enfin qui a quand même drainé pas mal de temps chez moi. C'était quand même ça. Voilà, ça a accompagné toute mon adolescence. C'était un peu mon groupe. Entre 14, 15, 16, 17. Bon, c'était mon groupe en fait. Ça l'est toujours, je crois, un petit peu. C'est le tien d'ailleurs aussi un peu. Moi, je pense que chaque année, je retrouve. On va dire un mois par an, je me repasse ça. D'ailleurs, on n'a pas encore dit qui c'était. Bah, c'est les Red Hot Chili Peppers, évidemment. Voilà, mais il y a quand même des gens qui ont reconnu, j'imagine. Oui, mais bon, quand même. On ne sait jamais. Et donc, c'était sur leur cinquième album. Et cette chanson s'appelle Mellowship Slinky in B major, donc en Si majeur. Et pour la petite anecdote, elle n'est pas du tout en si majeur. Voilà, petite subtilité. Est-ce qu'ils ont voulu être drôles? Est-ce que finalement ils ont changé d'avis? Je ne sais pas. Mais elle est en ré majeur. Comme ça, vous savez, vous n'en avez rien à foutre. Mais comme ça, vous le savez, c'est nickel. Elle se place dans une petite conversation à fait. Il fallait que je lâche ma petite anecdote du dimanche. Voilà. Exactement. On l'écoute. Les Red Hot Chili Peppers dans le Memento sur Radio Panique. I got a man. umbrella. Sopping wet your pink umbrella. I do the dog with his umbrella. I'm so in love, yes, but I'm not just imagination. It is smartest, a rubber million stroke and splatter. I attest to your play matter. Living kings, I'm true with rings. It's just you, my favorite thing. Écoutez Memento sur Radio Panique 105.4. Mais le Cheap Slinky in B major, c'est les Red Hot Chili Peppers, pour faire ça avec le bon accent. Nous sommes toujours en 1991 sur le Memento sur Radio Panique, toujours l'année de naissance de Nicolas. Exactement, exactement. On continue notre petit tour d'horizon réduit en trois chansons, donc c'est un tout petit tour d'horizon, on va se l'avouer quand même. Et pour la suite, on change de style, on a passé du Nirvana, on a passé du Red Hot Chili Peppers en 91, et là on va quand même passer à un petit peu de rap. En faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur un groupe que personnellement, j'avais peut-être déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas. Ça, c'est le groupe A Tribe Called Quest. Bon, apparemment c'est un groupe très très connu, je connais des gens derrière leur radio qui sont en train de s'énerver parce que je ne connais pas, désolé. Bah, moi, je m'excuse. Juste de nom. Maintenant je connais, donc voilà. Faut avouer à moitié pardonner. Hein. Donc voilà, et la chanson s'appelle Check the Rhyme, et c'est une chanson de rap de 1991, gardez bien bien ça en tête, parce que je trouve qu'elle est ultra, ultra moderne. Vous écoutez tous les trucs de rap et de hip-hop de 91, c'est des trucs hyper kitsch, voilà, hyper vieillot, et vous écoutez ça, et ça a quand même vraiment de la gueule pour l'époque. Ou alors, ça veut dire que ce que les gens font maintenant, c'est ce qu'ils essaient de faire du old school. Non, parce qu'on a écouté du Benny B tantôt, on a écouté du truc, bon, c'était juste un an avant, mais il y a pas mal de choses qui sont dans cette vague-là. Il y a des trucs un peu, voilà, Prince de Bel-Air, un peu, je sais pas, un peu vieillot, qui sonnent vraiment très années 90, c'est ça. C'est juste parfait, quoi. Ça sonne vraiment très, très années 90. Avec les grosses reverbes des années 80, évidemment. Exactement. Et là, je trouve que c'est vachement, vachement en avance sur leur temps. Enfin, je vous propose de l'écouter, comme ça, on aura de quoi en parler après. Check the bar. We'll the boulevard I landed. We used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the Frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you gots to okay. run the pigeon. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. But then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, I swear you're dead wrong. I slay that body in El Segundo, then push it along. You'll be a fool to reply the Fife is not the man. Cause you know, and I know, that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, cause none can test me. I'm just a fly MC who's 5'3" and very brave. On top remaining, no home training, cause I misbehave. I come correct and full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the rhyme, take the rhyme, take the rhyme. On the boulevard of Linden, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the Fifer, and me, the abstract. The rhymes were so rumpin' that the brothers rolled the zack. Hey yo, Tip, do you recall when we used to rock those fly routines on your cousin's block? Let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the same. You're on point, Tip. All the time, Fife. You're on point, Tip. Yeah, all the time, Fife. You're on point, Tip. You're all the time, Fife. So play the resurrector and give the dead some life. Okay, if knowledge is the key, then just show me the lock. Got the scrawny legs, but I move just like Lou Brock with speed. I'm agile, plus I'm worth your while. 100% intelligent black child. My optic presentation sizzles the retina. How far must you go to gain respect? Well, it's kinda simple, just remain your own, or you'll be crazy, sad, and alone. Industry rule number 4080. Record company people are shady. Et on écoute toujours A Tribe Called Quest avec Check the Rhythm. Donc on parlait tantôt de musique un petit peu en avance sur son temps. Oui, non, je ne sais pas. Et je vais vous demander votre avis. Ben, moi je pense qu'il y a clairement des références dans ce qui se passe maintenant. Mais enfin, dans le, que ce soit des grosses références dans l'instru, ouais, surtout. Dans l'instru, mais dans le flow, ça reste un. C'est très carré, enfin très 90s en fait, au final. Comme ça, ouais. Ouais. Donc même au niveau des, tu vois, des rimes, de ce qu'ils amènent. C'est il est quand même bien typé. Hein. C'est ouais. Ça, on reste dans les 90s, même si bah, les gars de maintenant, que ce soit The Dot Future, Old Sweatshirt, etc. Bah, ils ont grandi avec ça. Enfin, ils sont nés à la même époque que nous. Ils sont même un peu plus jeunes que nous. Donc ils étaient gamins quand c'est sorti et quand ils ont écouté ça dans le berceau. Donc oui, évidemment, c'est des références pour eux, quoi. En tout cas, pour ma part, c'était vraiment une super belle découverte. Et on vient de terminer ce petit tour de l'année 91. Et je passe le flambeau à Arthur qui va nous emmener à l'année qui n'est pas très très loin de 91, puisque c'est l'année 1992. 92 represent. Je vais. Oui, il a osé. Je l'ai travaillé, je l'ai préparé. Je l'avais écrit sur son. Oui, il l'a écrit. Non, même pas. Je peux vous prouver que sur ma conduite, c'est pas écrit. Par contre, la légende veut que c'est écrit. Non, c'est faux. Par contre, ce qui est écrit sur ma conduite, c'est Rage Against the Machine, puisqu'en 1992, ils sortent leur premier album du même nom, donc Rage Against the Machine. Et donc là, on est pas loin quand même d'être dans la légende, hein, au point même que ça a été premier au classement Billboard quand c'est sorti, meilleur album de tous les temps par le Q Magazine, troisième album de rock par Guitar Part, enfin... C'est du gros, c'est du lourd, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on mélange du métal et du rap avec autant de succès. Plus tard, bah, des groupes comme Korn, comme Limp Bizkit, et même en France comme Enhancer, pour ceux qui l'ont vécu dans leur... Plémo, putain. Et Plémo, voilà, de ces groupes de notre adolescence à nous, mais qui sont arrivés donc presque 10 ans plus tard. Et sur ce, moi je veux quand même faire une référence, enfin une petite dédicace à Asma, qui est pas là. Oui. Encore une fois, Asma qui nous rejoindra, même pas dans deux semaines, mais dans un mois, pour revenir avec des mementos plus classiques, avec de l'histoire et tout ça. Et donc, on revient à notre album de Rage Against the Machine, dont même la pochette est devenue culte. C'est celle où on voit un moine tibétain même pas tibétain par contre, bouddhiste, mais vietnamien, qui s'immole par le feu en 1963 pour protester contre le régime qui l'oppressait. Donc voilà, c'est vraiment un groupe hyper politisé, bien, bien, bien à gauche. Hein, sur leur album, ils citent comme influence de rébellion des membres de l'IRA provisoire, donc qui est donc l'armée un peu pas loin d'être des terroristes en Irlande du Nord quand c'était encore la guerre. Ici des gens des Black Planters. Et alors quelque part le summum du cool, c'est ce qui est écrit sur la pochette à l'arrière où c'est écrit no samples, keyboards or synthesizers. Je ne sais pas comment on le dit en anglais, c'est impossible. Mais en gros, pas de sample, pas de clavier et pas de synthé utilisé pour faire cet album. Donc c'est genre faites pas chier, c'est guitare, basse, batterie et du chant. Et alors il y avait différents titres, tous hyper connus. C'était un vrai déchirement pour choisir. Bon, il y a évidemment le Killing in the Name qui est extrêmement connu. Il y a Bullet in the Head qui est aussi très bien. Il y a aussi Wake Up. Et Wake Up, ça ne vous dit peut-être rien là comme ça, mais ça a été repris dans la BO de Matrix. Et je vous propose d'en écouter un petit extrait. Et là, voilà, on se remet en tête Matrix, Neo qui vole et qui tue des méchants, des Mr. Smith. Et donc, c'était quand même quelque chose d'assez ouf, d'assez fort. Et moi, j'ai choisi de faire Know Your Enemy parce que, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on y entend Maynard J. Keenan, qui est en fait le chanteur de Tool. À un moment, dans un moment de la chanson, on entend quelque chose d'assez chanté, le « I got no patience ». Eh bien, en fait, c'est le chanteur de Tool qui fait ça, qui à l'époque avait une coupe iroquoise qui finissait en mulet. C'était relativement classe. Tout un concept. Voilà, c'était quelque chose d'assez magnifique. Et surtout, en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai choisi Know Your Enemy, c'est parce que c'est la seule chanson de Rage Against the Machine que j'ai appris à la guitare et qui, en fait, m'a été enseignée par Nicolas. Et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil pour notre adolescence pleine de musique. On va donc écouter Know Your Enemy de Rage Against the Machine. Ça date de 1992. We'll be right back. like it. I got no patience. C'est donc ça, c'est Tool. C'est ça le chanteur de Tool que vous entendez. C'était Know You Enemy de Rage Against the Machine avec la magnifique intervention d'Arthur Deligne en plein milieu pour nous signaler que c'était le chanteur de Tool. C'était gratuit, c'était pourri. Yes. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous entendez le riff anticapitaliste là, le, comme disait Kevin, donc c'est le seul groupe qui a réussi à bloquer la Wall Street. Il n'était voilà. fermé que deux fois depuis son ouverture, en 29 pendant la crise, et parce que ils ont fait un concert sauvage devant, ils se sont introduits dedans comme parce que les flics voulaient les choper et leur foutre des amendes, et eux ils sont rentrés dedans et du coup état d'urgence, ils sont tous bloqués. Groupe anticapitaliste, groupe, bon, on peut le dire communiste, hein, on a quand même droit en début de leur concert à l'international en chantant. Bon, tout le monde la prend en cœur, c'est génial, c'est un bon petit moment à passer en famille, je trouve. Alors que c'est un groupe américain. Exactement. Et à mon avis, ils sont bien fichés par le FBI. Ah oui, non, mais c'est, tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Hein. All of which are American dreams. All of which are American dreams. Zach de la Rocha, quelqu'un d'assez énervé, hein. Alors je vous propose de passer à la suite. C'est des gens un petit peu énervés aussi quand ils passent en Belgique, ils font bouger les sismographes. C'est The Prodigy, puisqu'en 1992 ils ont sorti leur premier album qui s'appelle Experience. Et donc voilà, ce sont les précurseurs du style Big Beat, donc un mélange de techno, hardcore, de jungle, de rave. C'est une petite influence Benny B, je crois. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Et alors, c'est un album extrêmement typé années 90, rave et tout ça. Je vous avoue qu'il est assez difficile à écouter. Enfin, c'est quand même, c'est très, très, très, très rave, très drogue, très. Voilà. Et je trouve ça relativement assez. C'est quoi, c'est bien? Ouais, mais vous allez voir ce dont je parle, c'est vraiment très très agressif en fait. D'accord. Et très très typé à 90 pour le dire une dixième fois. Alors, une petite anecdote avant de vous envoyer la musique. Prodigy, ça vient du nom d'un synthétiseur de Moog, qui est donc une marque de synthétiseur. Et c'est en fait le Prodigy Moog, simplement. Ok. Voilà. Super. Donc, avec ça, on va vous passer la plus écoutable de l'album et aussi une des plus connues de Prodigy, c'est Out of Space, avec évidemment le sample du Jamaïcain Max Romeo and the Upsetters, titre du même nom qui a été produit en 1976 par Lee Scratch Perry, qui a notamment enregistré Bob Marley. Donc c'est du gros sur du gros sur du très lourd. C'est donc Out of Space de Prodigy. Mais ne vous inquiétez pas, Arthur fera une petite intervention quand le sample arrivera en plein milieu de la chanson. C'est on promis. to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. Pay close attention. On écoute toujours en tapis maintenant Out of Space de Prodigy. Allez, on se fait un petit kiff sur le Max Romeo. Là. Je vous l'avais dit, hein, et il l'a fait. Eh oui, eh oui. J'avais oublié que je devais pas le faire. Je me suis fait. Bref, vas-y, rattrape-toi. Alors, en 1992, il y avait aussi de la musique de vieux, mais quand même de la musique chouette qui est sortie. C'est le Clapton, le Unplugged, de Clapton. Donc, album live enregistré à Londres pour les MTV Unplugged. Hein. On connaît aussi le Unplugged de Nirvana et plein d'autres groupes. C'était vraiment une émission. Mais c'est pas le premier, celui de Clapton? Quelque chose comme ça? C'est pas celui-là? Je ne sais pas. J'avoue. Il me semble. À vérifier. Et c'est une colle. Exactement. Je vais vérifier maintenant. Et alors, personne. Vas-y, check. Alors, personne, ni Eric Clapton qui avait décelé quelques erreurs musicales dans l'album, ni Warner qui sortait l'album, ne pensait que ça marcherait. Et en fait, ils en ont vendu 20 millions de copies. Et donc, cet album reprend des classiques de blues. Et en fait, il a fait le succès mondial de Layla 22 ans plus tard dans cette version acoustique. Que tout le monde connaît et qui au final a eu plus de succès que la version originale qui était beaucoup plus rapide. Et au final, ça relance la carrière un peu au ralenti de Clapton, notamment grâce à 3 Grammy Awards pour l'album de l'année, le Best Rock Male Vocal Performance, donc le meilleur chanteur de rock, et la meilleure chanson de rock. Donc c'est quand même des Grammy Awards. Ça a de la gueule sur la petite étagère là dans la chambre, oui. Voilà, et alors petite anecdote avant de s'écouter le titre que j'ai choisi. Eric Clapton s'appelle Slow Hand. Pourquoi Slow Hand? Pas parce qu'il était lent des mains, alors parce qu'en fait il joue quand même relativement vite, mais bien parce qu'il était connu pour casser ses cordes. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il pétait ses cordes, à l'époque il n'avait pas spécialement trop dit, donc il allait changer ses cordes. Du coup, pendant ce temps-là, le public, il frappait lentement des mains en attendant qu'ils reviennent jusqu'à ce qu'ils accélèrent quand il arrive. Et donc voilà, c'est comme ça que on l'a appelé Slow Hand. Alors maintenant, je vous propose d'écouter Nobody Knows You When You're Down and Out, tout simplement parce qu'en fait elle me fait penser à la musique de l'intro dans Toy Story 1, donc le Oui je suis ton ami. Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi parce que j'ai écouté, j'ai dit exactement la même chose, voilà. Sans avoir entendu la chanson. On est bien d'accord, tu me mets ça? On aimait ça. Mmh. took all my friends out for a mighty good time. He bought bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Also my good friends had nowhere to go. I get my hands on the dollar. That old eagle ring, because nobody loves you when you're down and out. In your pocket, not one penny. And as for friends, you don't have many. It's strange without any doubt. Nobody knows you when you're down and Nobody Knows You When You're Down and Out. Eric Clapton, c'était donc le troisième album que je vous proposais pour 1992. On va donc maintenant essayer de faire un choix entre les trois années. Pour faire ce choix, il y a quelqu'un avec nous qui était là tout au long de l'émission. Vous ne le saviez pas puisque vous ne l'avez pas entendu, c'est Charles, un de nos plus fidèles auditeurs. Bonjour Charles. Ça va ? Très très bien. T'as bien aimé l'émission ? J'ai surkiffé votre émission et ça fait toujours plaisir de vous écouter. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, petit récapitulatif. Nico, tu peux baisser un peu le... Je peux faire ça. Merci beaucoup, c'est chouette. Alors, petit récapitulatif. En 1990, on avait donc... America Most Wanted de Ice Cube. Benny B avec Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et Goo... Non, pas Goo, Cool Thing de Sonic Youth. Sonic Youth. En 1991, on avait Nirvana avec Territorial Pissing. Nirvana quand même, les gars. Ouais, Kaboom. Red Hot Chili Peppers, oui, aussi. Kaboom. Avec Mellow Ship Slinky in B Major. Et A Tribe Called Quest avec Check the Rhyme. Ouais, et en 1992, on avait donc Rage Against the Machine quand même. Hein, et... Ouais. Bon. Bon. Aussi quand même. Si. Si, le premier album des Rage Against the Machine, s'il vous plaît. Blague, les gars. The Prodigy et le Unplugged de Clapton. Alors, personnellement, pas par chauvinisme, mais moi j'aime bien la 92 juste parce que les Rage ont commencé. Mais en même temps. Mais ils ont commencé à répéter en 91. On va pas commencer avec ces considérations relativement anti-chronologiques. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que notre année personnelle, on l'aime tous. Oui, il faut un petit peu voilà. Élargir un peu nos horizons et Nevermind quand même les gars. Et bon, il y a aussi un album de Blur, il y a aussi R.E.M. avec Losing My Religion, Michael Jackson, Metallica, le Black Album. Il nous entend pas, il est mort. Bah tant mieux. Bref. Ok, c'est donc un espèce de consensus général. Charles, est-ce que tu es d'accord ? Tout à fait, tout à fait. Bah, il est surtout d'accord parce qu'il est aussi né en 91, il me semble. Exactement, donc je pense que les choix vont être très vite être... Ce sera donc 1991, on est déjà presque à la bourre. C'est pas grave. On est déjà même un petit peu à la bourre, puisque Reservoir Dubs arrive tout juste après nous. Alors, en conclusion, on va s'écouter Alive de Pearl Jam. Exactement. Merci de nous avoir suivis pour ce 8e épisode de Memento. C'était un vrai plaisir de faire ça pour vous et avec vous, donc Kevin, Nicolas et Charles. Alors, on va continuer à faire des choses ensemble. La technique m'a un petit peu accaparé. Il est un peu perdu, c'est pas grave. Donc, on se retrouve donc le 28 janvier pour un nouvel épisode de Memento. Cette fois-ci, dans sa formule habituelle, avec l'histoire, la fiction et puis 30 minutes de musique, de programmation. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Memento Radio Panique, c'est très facile à trouver. Et donc, juste après, après Alive de Pearl Jam, c'est Réservoir Dub sur Radio Panique pour continuer la soirée en musique et en très bonne musique. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Brussels.